good feeling. Salut, vous êtes bien sur mon répondeur, je ne suis pas là, alors laissez-moi un message, bisous. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Toi, je m'en vouloir si souvent je pense à toi. M'en vouloir si maintenant tu es loin de moi. Et j'ai mis du temps avant le premier pas. Je t'appelle pour te faire mes aveux. On a surmonté bien des hauts des bas et passé des bons moments dans tes draps. Je ne t'appelle pas pour que tu me pardonnes, mais pour te dire ce que je ressens. J'aurais voulu qu'on ait un petit, qu'on puisse aimer à l'infini. La vie en a décidé ainsi, mais la vie en a décidé ainsi. Ouais. On aurait fait le tour du monde, ensemble jusqu'à ce que la nuit tombe. On aurait compté chaque seconde. On aurait compté chaque seconde. Je me disais, prends soin de ta femme. J'étais matrixé par la manière au vie. Cosmo me disait, prends soin de ta femme. J'étais matrixé par la manière au vie. Chérie, allô. Ex là? Ouais, bah quoi? C'est Mario.